Mon premier cousin Germain, il n'a pas eu de chance, lui, dans la vie. Ah, non, il n'a pas pu être cantonnier parce qu'il a réussi à tous ses examens. Alors, il est devenu chef d'entreprise. Il a 700 employés. Quel est le mot qui revient toujours dans sa conversation? Il y a un mot qui revient tout le temps. Il parle tout le temps et tout le temps. Moi, j'écoute. Ah oui, oui, impôt. Impôt. Qu'est-ce que ça veut dire, impôt? J'en ai parlé à mon petit copain. C'est le patron du café au joyeux corps de chasse. C'est à la sortie du village, juste à l'orée du bois. Il m'a dit impôt. Peut-être qu'il pense qu'à boire à Paris. Alors on a bu un pot.